Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle et parfois explosive. Peut-on limiter les libertés individuelles pour protéger la santé publique ? C'est un débat ancien, ravivé par les crises sanitaires et qui touche directement notre vision de la liberté. Pour en parler, j'accueille Cléa et Kélia qui vont travailler ensemble sur ce sujet complexe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On commence par la base. Qu'appelle-t-on liberté individuelle ? Et pourquoi la santé publique peut-elle les remettre en cause ? Selon le Larousse, les libertés individuelles sont l'ensemble des droits reconnus à chaque individu, quel que soit son pays, son origine sociale, son genre ou sa religion. Cela inclut la liberté d'expression, la liberté de conscience ou encore la liberté de choisir son métier. Mais notre question c'est, jusqu'où peut-on restreindre ces libertés au nom de la santé publique ? Limiter la liberté pour protéger la majorité ou défendre coûte que coûte la liberté individuelle, même si cela met en danger les plus fragiles. Une loi fondamentale existe, celle du 23 mai 1949, qui affirme que la liberté des personnes ne peut être restreinte qu'en vertu d'une loi formelle et dans le respect des formes prescrites. Autrement dit, on peut limiter une liberté, mais uniquement si la loi l'encadre strictement et pour garantir la sûreté ou l'ordre public. Donc oui, la loi peut limiter une liberté, mais pas n'importe comment. Kélia, il y a des restrictions qui sont nécessaires et est-ce qu'elles sont acceptées ? Dans certains cas, les restrictions sont légitimes. Par exemple, en médecine, avec le port de la blouse stérile, la désinfection des mains et les protocoles anti-infection. Ces obligations visent à protéger les patients et sont encadrées par l'article R4312-37 du Code de la santé publique. Aujourd'hui, cela nous paraît normal. Mais autrefois, ce n'était pas du tout évident. En effet, au XVIIIe siècle, les instruments n'étaient pas stérilisés. On les essuyait tout simplement avec un chiffon. De plus, beaucoup de médecins refusaient qu'on limite leur liberté au nom de l'hygiène. On voit que certaines restrictions, autrefois contestées, sont devenues évidentes. Prenons l'exemple de l'eugénisme. Elle fait partie des restrictions, mais ne sont pas forcément légitimes. Kélia, allez-y. L'histoire montre aussi des dérives très graves. Aux États-Unis, plus de 60 000 personnes ont été stérilisées de force dans 32 États au XXe siècle sur des critères de prétendue faiblesse d'esprit. Cela visait des personnes handicapées, des immigrés, des femmes pauvres, puis des minorités raciales. Présentée comme un soin, cette politique était en réalité un outil de contrôle social et racial. Et elle était pourtant inscrite dans la loi, comme celle de 1907 dans l'Indiana. Cela montre que le fait qu'une restriction soit légale ne garantit pas qu'elle soit juste. Exactement. Une restriction peut être encadrée et pourtant profondément injuste. Aussi, pendant la pandémie, plusieurs mesures ont limité des libertés. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour certains professionnels, la limitation des déplacements et l'interdiction des rassemblements. Toutes ces mesures ont été encadrées par l'article 3131-12 du Code de la santé publique, introduit en mars 2020. Mais comme on l'a dit précédemment, être encadré par la loi ne suffit pas à garantir la légitimité. Certaines personnes ont estimé que ces restrictions étaient indispensables pour sauver des vies, tandis que d'autres les ont jugées disproportionnées. Cela montre bien la fragilité de l'équilibre entre santé publique et libertés individuelles. Avec cet exemple récent, on voit que même dans les sociétés démocratiques, les restrictions de liberté peuvent être justifiées ou fortement contestées et que tout dépend de leur nécessité, de leur proportionnalité et de leur réel impact sur la population. On arrive donc à la question clé, comment trouver l'équilibre ? Certaines restrictions de liberté sont essentielles pour protéger la santé de tous. Mais d'autres peuvent dériver, discriminer ou aller contre le bien-être individuel. C'est pour ça que la vigilance est indispensable. Et surtout, retenir ceci, une restriction peut être légale sans être légitime. Merci Cléa, merci Kélia pour cette analyse claire et rigoureuse et merci à vous, chers auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode.